Allez. Après qu'on a parlé au moins de un film, on boit de la bière. Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, c'est le 8e déjà. Bonjour Lucien. Salut. Salut Manu. Salut Olive. Ça va bien tout le monde? Ça va bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu malheureusement, puisque voilà, on a pris un petit peu de temps avant de revenir derrière les micros, vu nos activités diverses. Mais bon, on essaiera quand même de vous parler des films qui ont fait l'actualité, de ces semaines pré-cannoises qui étaient quand même un petit peu, mornes, un petit peu ternes. Mais on a quand même sélectionné quelques films dont on va parler tous ensemble. Donc aujourd'hui, on parlera, par hasard et dans le désordre, de Get Out de Jordan Peele, des Gardiens de la Galaxie 2 de James Gunn, d'après la tempête de Hirokazu Koreeda, de La colère d'un homme patient de Raoul Arévalo, de I'm Not Your Negro de Raoul Peck, et deux d'entre nous ont vu Alien Covenant de Ridley Scott, dont on parlera aussi. Mais pour commencer, comme on ne s'est pas vu depuis quand même fort longtemps, est-ce qu'il y a des films qui ont réveillé votre pupille ces dernières semaines? Lucien. Ouais, moi je vais pas être très original et je vais reprendre ce que je disais dans la dernière émission, mais je vais parler de Lost City of Z, que comme tout dernier James Gray, j'attendais beaucoup. Et je dois dire que le film a été à la hauteur de mes attentes. Je vais pas être très long sur le film et plutôt rediriger les gens vers un très long papier qu'on a écrit à quatre mains avec Julien Robot. Enfin, un film d'aventure dans le sens le plus large et générique du terme, mais comme j'en avais probablement plus vu depuis Poursuite du Diamant Vert, non, depuis, La Forêt d'Émeraude de Borman ou un truc comme ça. C'était triste de ne pas voir Danny DeVito dedans, quand même. Bah, il n'y avait pas Danny DeVito, mais il y avait Franco Nero, alors ça rattrape un peu le bazar. Alors, et toi, Manu, qu'est-ce que tu as vu qui t'a excité? Alors, moi, ce qui m'a excité, c'est pas forcément un film que j'ai vu en salle, mais un film que j'ai vu En vidéo, en e-cinéma, comme ils appellent ça, qui est Détour de Christopher Smith, que les fantasticophiles connaissent bien, qui a été réalisateur de Creep, mais aussi de Severance, qui a fait l'excellent Black Death avec Carys Van Houten, qui est un film sur l'Inquisition, et qui revient cette fois-ci pour ce qui, je crois, grosso modo, son premier film américain, même si je ne suis pas clair au niveau du financement et des capitaux, qui s'appelle Détour. La manière dont Christopher Smith revisite le classique Détour de J. Elmer. Et donc, c'est un road movie dans les espaces américains avec Taylor Sheridan qui joue le rôle titre. Et il y a tout un jeu de narration qui porte sur le choix que va faire le personnage tout au long du film, qui se joue à la fois dans l'écriture du film et dans la manière dont Smith travaille son film, qui est traversé régulièrement par la figure du speed screen. C'est le contraire d'un film de petit malin, quand on pourrait s'y attendre, quand justement on peut voir la bande-annonce. En tout cas, ouais, c'était une des meilleures surprises que j'ai eues ce début d'année. Eh bien, moi, je vais profiter de cette petite tribune qui m'est attribuée maintenant pour vous parler donc du film que je suis le seul à avoir vu hier, qui est sorti et qui fera l'ouverture du Festival de Cannes, qui s'appelle Les Fantômes d'Ismaël. Le film d'Arnaud Desplechin, donc le réalisateur français de Trois souvenirs de ma jeunesse, Comment je me suis disputé, Esther Kahn, et aussi Un conte de Noël, Roi et Reine. Enfin bon, bref, on va pas faire toute sa filmo. On en a déjà fait une bonne partie, en fait, l'air de rien. Bon, alors, Les Fantômes d'Ismaël, c'est assez compliqué. J'ai pas du tout aimé le film. Enfin, voilà, il faut dire quand même que moi, je suis plutôt client du cinéma de Desplechin d'une manière générale. Il y a certains de ses films que j'aime beaucoup. J'avais notamment beaucoup aimé son précédent Trois souvenirs de ma jeunesse. Et là, le film, donc Les Fantômes d'Ismaël, c'est un film qui est bordélique, qui est pas du tout concentré. Desplechin ne sait pas ce qu'il raconte dans le film. Un film qui se perd, en fait, au milieu du parcours. Le film change complètement d'intrigue. Il est arrivé aussi à un point limite, je pense, de son travail avec Amalric, qui devient vraiment irritant dans le film. La langue, en fait, de Desplechin, qui fonctionne parfois, et c'est une chimie qui est très difficile à prendre. Hein. Ça prend dans certains films, dans Trois souvenirs de ma jeunesse, notamment, ça marchait très, très bien. Mais cette langue très artificielle, un côté qui donne un côté comme ça un peu romanesque à ses personnages, épais, plus grand que nature, etc. Ça ne fonctionne pas du tout dans ce film-là. Et voilà, c'est un film où il y a trop de scènes, qui est trop découpé, avec vraiment, enfin, la direction d'acteur, c'est vraiment problématique. Enfin, ça sonne vraiment le manque d'idées. Voilà, c'est un film qui est truffé de références en plus à lui-même. C'est, voilà, c'est triste, en fait. C'est un film qui tourne en circuit fermé. Et j'espère vraiment que... enfin, une bonne chose, c'est que... Louis Garrel et qui joue en fait le héros. Il y a un espèce de film dans le film puisque le héros c'est Mathieu Amalric qui écrit un film, et donc des fois on a des espèces d'inserts du film qu'il est en train d'écrire, qui est un film d'espionnage au sein même du récit. Et là le film dans le film est joué par Louis Garrel, qui est assez bon. Et je trouve aussi que Charlotte Gainsbourg, comme elle a déjà un phrasé un peu spécial, la greffe de Charlotte Gainsbourg au cinéma de Desplechin fonctionne très bien. Et en fait les meilleures scènes sont vraiment avec Charlotte Gainsbourg. Après ces deux petits, va dire, phares dans la marée boueuse, qui est un peu les fantômes d'Ismaël. Moi, j'espère vraiment que Desplechin va sortir de ses figures imposées, qu'il va arrêter de ressasser les mêmes choses, de ressasser des références à son propre cinéma, de refaire tout le temps, quelque part, refaire le même film. Parce que là, je pense qu'il arrive clairement à une crise d'inspiration. Et donc, je serais impatient de voir ce qu'il fera par la suite. Mais pour moi, les fantômes d'Ismaël, c'est une grosse, grosse déception. Voilà, je voulais savoir, est-ce que vous avez un film que vous attendez spécialement au festival ? Donc oui, il y en a deux. Il y a le dernier Todd Haynes, parce que, comme toi, Oli, j'avais adoré Carole. Mais les premiers retours sont pas particulièrement mauvais, mais loin d'être dithyrambiques. Et le Zviagintsev. Le Zviagintsev, dont j'avais beaucoup aimé Léviathan. Mais qui paraît-il être aussi, bon voilà, après ce sont les premiers retours, mais extrêmement austère. Un film implacable, mais peu aimable. Et il y en aura probablement d'autres, des découvertes, etc. Ça, en tout cas, j'espère, mais bon voilà. Moi, à part bien sûr le Bong Joon-ho, qui est en compétition, mais qui n'aura pas la palme. Je précise qu'on dit qu'il n'aura pas la palme, puisque aujourd'hui, Pedro Almodovar a déclaré que les films produits par Netflix, qui n'auraient donc pas de distribution sale a priori, ne pourraient pas recevoir la palme d'or. Vas-y, Manu. Voilà. Donc, moi, j'avais donc Okja de Bong Joon-ho qui n'aura pas la palme, puisque les culs serrés de la distribution ont un petit souci avec les modes de distribution aujourd'hui. Peut-être mon autre attente, ça sera le film dont justement j'ai perdu le nom, mais le nouveau film de Nazanavicius. Le Redoutable. Le Redoutable, justement, qui s'était fait défoncer pour son précédent film The Search, un film américain, qui, à mon avis, a peu payé le tribut de passer après The Artist et de se prendre une belle volée de bois vert de la part de la critique. A priori, je ne suis pas forcément très intéressé par un sort de film sur la vie de Jean-Luc Godard. Je m'en tamponne un petit peu. Mais j'ai la curiosité de voir le regard d'Azanavicius sur tout ça, quoi. Et toi, Oli ? Vous avez déjà cité énormément de films que j'attends, notamment le Okja de Bong Joon-ho, bien sûr. Voilà, je peux dire que je n'attends pas le film de Sofia Coppola, ce qui, comme toute personne normalement constituée qui a vu le film de Don Siegel, est quelque chose que j'ai en commun avec eux, je pense. Mais bon, bah, je vais peut-être finir en citant le film de Lynn Ramsey, dont j'avais quand même pas mal aimé le We Need to Talk About Kevin, et qui, apparemment, son film sera fini in extremis, et il y a Joaquin Phoenix qui joue dedans. Voilà, ça m'intéresse plutôt. Bon, ben sur ce, je propose qu'on attaque tout de suite avec la petite sensation horrifique du moment, à savoir Get Out de Jordan Peele. So you guys coming up from the city? Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see your license, please? He wasn't driving. I didn't ask who was driving, I asked to see his ID. Call me Dean and you hug me, my man. So how long has this been going on, this thing? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Couldn't see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. Get Out, c'est le premier film écrit et réalisé par Jordan Peele, un comique américain qui s'est fait connaître grâce au duo Key & Peele qu'il formait sur Comedy Central. Il avait avant cela écrit un long métrage qui s'appelle Kinou, avec Anna Faris, si je ne me trompe. Get Out est interprété par Daniel Kaluuya, qu'on a vu notamment dans la série Skins. Il y a aussi Allison Williams, Caleb Landry-Jones et aussi la revenante Catherine Keener. Pas si revenante, elle était quand même en Show Me a Hero de David Simon récemment. Voilà, mais c'est vrai que on l'a connue surtout... un peu plus jeune, dans les années 90. C'est sur la toile, sur grand écran, Manu, tu comprends pas. Ça. Non, Pedro. C'est l'histoire d'un mec qui est noir, et en fait, sa copine est blanche, et elle est riche, elle vient d'une bonne famille, et un jour, elle l'emmène lui présenter sa famille. Il vote Obama. qui votent Obama et qui auraient même voté Obama 3 fois s'ils avaient pu. Et donc, ça se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu. Ils redoutent d'être jugés comme le noir de service, ce qui sera un peu le cas, mais ça ira un peu plus loin que ça, on va dire, pour pas trop spoiler. Alors Manu, qu'as-tu pensé de ce film Get Out ? Déjà, je suis assez client de ce que faisait Jordan Peele sur Comedy Central, mais justement, là, il sort complètement de ce registre, mais il garde quand même... Son duo comique reposait beaucoup sur une thématique à la fois raciale et sociale. Et là, on retrouve ça. C'est, je pense, un des gros intérêts de Get Out, c'est tout ce qui a trait de la thématique de ce racisme un peu larvé d'une Américaine blanche qui continue de voter Obama, mais qui reste toujours belle Amérique sudiste. Voilà, c'est pas clairement pour moi un film horrifique. Moi, j'avais beaucoup entendu parler du film. On l'avait pas mal vendu comme étant une comédie horrifique. Et je trouve ça un peu étrange parce que la comédie et l'horreur sont au final assez peu liés, enfin les instants de comédie et les instants qu'on pourrait appeler d'horreur dans le film sont assez peu liés. Bah, selon moi, dans le film, il y a clairement aussi deux films. Il y a une première partie du film, et puis il y a un genre de twist, et puis il y a une deuxième partie du film qui est là, on peut dire, peut-être un peu plus horrifique, et qui est, selon moi, nettement moins intéressante que la première partie. C'est-à-dire que la première partie, comme tu le disais Manu, joue sur cette espèce d'atmosphère un peu raciste, mais de gens qui veulent faire croire qu'ils ne le sont pas racistes, alors qu'en fait, quelque part, ils ont des choses qui sont profondément ancrées en eux, qui vont poser problème à notre jeune... personnage principal. Le réalisateur arrive à instaurer une sorte d'ambiance mi-gênante, mi-drôlatique dans la première partie du film, qui marche plutôt pas mal. Et qui est plutôt pertinente. Ouais, même si j'ai des réserves en fait sur le fond du problème, mais je développerai un peu plus tard. Je pense qu'avant tout, moi je suis assez d'accord avec Manu, je trouve ça assez pertinent, mais c'est avant tout, un pendant ludique d'un film dont on va parler plus tard, qui serait A Natural Negro. Mais je pense que le film est ludique avant toute chose. Oui, c'est vrai, certes, mais je trouve que la deuxième partie du film n'est pas du tout intéressante, en fait. Le metteur en scène, pour moi, il a très peu d'idées scénaristiques, très peu d'idées de mise en scène. C'est très très plat, en fait, ce qui se passe dans la deuxième partie du film. Je suis pas vraiment d'accord avec toi sur ça, sur ces faiblesses d'écriture, parce que pour le coup, je trouve que ça sera peut-être un petit spoil vis-à-vis du film, mais je trouve justement comment il réinvestit un genre qui est celui du film de Body Snatcher. Avec cette relecture raciale, je trouve qu'il est vraiment pertinent dans ça. Après, le petit souci, c'est qu'une fois le retournement de situation qui intervient aux 2/3 du film, le film est un peu éventé derrière. Il est satisfaisant, je trouve, quand même à la première vision, moi. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi un peu la faiblesse du film sur ça. Après, je ne suis pas d'accord aussi en termes de mise en scène, parce qu'il y a des petites idées toutes simples, comme celle justement qui est liée au trauma du personnage, qui est toutes ces séances d'hypnose, la solution visuelle qu'il a trouvée avec ce petit écran, etc., qui se réduit comme celui de l'écran de télé, qui fait référence au trauma quand sa mère est décédée. C'est des trucs très simples, pas tape à l'œil, mais qui marchent à fond. Il y a tout un caractère, je veux dire, idéologique. Logique, fondamentalement, c'est la perte de soi, c'est la perte de son identité quand même. Pour un film dont les thématiques sont celles-là, je trouve ça assez bien joué, en dehors du côté graphique, je veux dire, de ces scènes-là. Une autre petite idée, au tout début du film, il y a une petite idée visuelle que je trouve assez intéressante. C'est un gros plan sur le visage du personnage principal qui se rase et qui donc écarte toute partie blanche sur son visage pour découvrir sa peau noire. Je trouve ça très fort et ça laisse présager un traitement qui va advenir par la suite. En 3 minutes, il a posé tous les enjeux en début de film. Je préfère aussi la première partie avant la révélation. J'ai quand même pris du plaisir dans la dernière partie. J'étais dedans, quoi. J'ai frissonné à certains moments. Entre autres, petit spoil, mais... sur une éventuelle arrivée de la police à un moment qui m'a vraiment fait flipper, en fait. J'ai rarement eu cette sensation-là dans un film de me dire « Merde, les flics arrivent !» Et je trouve ça, au final, assez malin. Après, sur le fond du film, moi, j'ai quand même, pas des petites réserves, mais des petites questions, en tout cas des petites pistes de réflexion, parce que, bon, clairement, il veut faire un film qui traite du racisme. Mais est-ce que ce film ne surfe pas lui aussi sur des clichés racistes dans le film. Donc notre personnage principal, il est super content parce qu'au milieu de la réception, il voit un autre noir. Il remarque qu'il a quelque chose de bizarre parce qu'il ne se comporte pas comme un noir. les Noirs devraient se comporter d'une certaine manière pour être potes entre eux. Donc l'idée est quelque chose qui me semblait un peu strange. Je suis pas d'accord que ça qu'il le fasse tiquer dans la réception. Ce qu'il fait tiquer, c'est déjà l'accoutrement très bizarre et très typé du personnage autour de ces gros blancs vieillissants et opulents. Et c'est surtout que c'est un personnage qui rappelle le personnage qu'on a vu disparaître dans la première séquence du film. Mais ce film joue quand même sur une forme de black attitude, et notamment aussi dans le personnage du sidekick là, le Halloran de Shining version hip-hop là. Il y a aussi quelque part ça, ce film ressasse aussi certains clichés, et notamment genre des trucs genre les noirs courent vite, etc. quoi. Le film ne dit pas ça en tant que c'est les personnages du film qui le disent. Petite précision, déjà dans ces sketchs dans K.I.P., la thématique sociale raciale a été vraiment bien poussée. Et il joue justement de renvoyer dos à dos tous les clichés qu'on porte sur différentes communautés. C'est une manière de déminer les choses. Il n'en reste pas juste à ce cliché-là. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais le fait de jouer comme ça sur les clichés, moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Toute la première partie qui semble être celle que t'as préféré, justement, joue sur ces petits détails qui mettent mal à l'aise le personnage, qui s'excuse presque auprès de sa copine d'être mal à l'aise. Et il joue sur tout ça. Il y a cette scène, moi, je trouve ça assez très drôle, où il se réconcilie au bord de l'eau, et pendant qu'ils vont jouer au bingo, et en deux temps, on découvre quelle est la nature du bingo. Oui, il y a toujours ce truc-là où tu es toujours le cul entre deux chaises et tu sais jamais trop où t'es, en fait. Non, tu sais jamais trop si c'est lui qui est en train de se braquer au niveau de son regard vis-à-vis de cette communauté, parce qu'il est déjà réticent à l'idée d'y aller. Et encore une fois, c'est lui-même qui a déjà des a priori qui sont posés au départ, puisqu'il lui dit, tu lui as bien dit que j'étais noir, etc. Après, ça arrive après 1 minute 30 de film, hein, tu lui as bien dit que j'étais noir. Donc je pense que c'est une volonté assumée dès le début. Encore une fois, c'est les personnages qui agissent comme ça. C'est cette manière d'être qui serait spécifique... à n'importe quel noir dans une réception composée principalement de blancs, c'est le personnage qui l'imagine comme ça, c'est lui qui a décidé que ça se faisait comme ça. Ça veut pas dire que le film prend ce parti là, il montre simplement quelque chose comme ça. Et je pense que c'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup ces trois premières minutes de film, c'est parce que concrètement après 1 minute 30 de film, on a cette phrase du personnage principal qui demande à sa compagne si les parents savent qu'il est noir, qui est aussi référencé. Il y a énormément de références dans le film. Hein. Il y a une forme d'outrance maîtrisée dans le côté plus horrifique, mais qui peut parfois un peu se mêler à la comédie qu'on peut retrouver chez Craven. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve quand même le film n'est pas une baudruche horrifique comme l'a pu l'être typiquement Grave de Julia Ducournau, qui a été pour le coup survendue et qui est pour le coup vraiment une sorte de néant intégral. Là, il y a quand même du cinéma, il y a quand même des idées, il y a un mec qui a quand même quelque chose un petit peu à raconter derrière tout ça. Après, de Jordan Peele, je conseillerais beaucoup plus sa comédie Kin You qu'il a fait avec son comparse de K.M. Peele, qui est pour le coup extrêmement drôle, qui joue aussi sur certaines thématiques de manière beaucoup plus légère, sociale et raciale. Je préfère quand même le versant comique de Peele que son versant horrifique, qui n'en est pas un. Bon, très bien, bon, on va arrêter là-dessus. Je propose que du coup, même si Manu l'a pas vu, on enchaîne avec I'm Not Your Negro pour clore le chapitre ce chapitre de transmission. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. I can't be a pessimist because I'm alive. The question you got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you gotta find out why. And the future of the country depends on that. I'm Not Your Negro, c'est le nouveau documentaire de Raoul Peck, donc un réalisateur haïtien qu'on connaît notamment pour le film qu'il a fait sur Patrice Lumumba. Le film se base sur les écrits de James Baldwin, qui est un écrivain essayiste que personnellement je ne connaissais pas, qui a beaucoup parlé des tensions raciales, sexuelles, des luttes de classe en Occident. Et en fait, le film se base sur un texte d'une trentaine de pages, je crois, qu'il aurait écrit, qui lui aurait été fait commander pour parler des assassinats de Medgar Evans, de Martin Luther King et de Malcolm X. Et en fait, le film, le documentaire, s'articule autour de ce texte qui est lu par Samuel L. Jackson pour développer la pensée de Baldwin sur le racisme latent en Occident et le problème, en tout cas majoritairement, entre l'Amérique blanche et les Américains d'origine africaine. Quoi. Donc un documentaire dont on parle énormément, qui a été nominé aux Oscars notamment. Qu'en as-tu pensé, Lulu ? J'ai beaucoup aimé le film. Je pense qu'il tient presque autant du film d'essai que du documentaire. Et ça le rend un peu ardu par instant. Enfin, mais une qualité indéniable du film, c'est que je pense qu'il rend vraiment hommage. Bon, j'ai jamais lu Baldwin, je le connaissais pas avant non plus. Je vais le lire, je pense. Le film rend vraiment hommage à sa plume, déjà. Je trouve, enfin, une très très belle plume. Déjà sur la voix de Jackson et dans une moindre mesure en français de Joe Starr, mais ça marche quand même pas trop mal. Il y a un côté flow, en fait, comme ça, qui happe, je trouve. Il y a un côté presque texte récité, comme ça, qui crée une ambiance, en fait, et qui peut permettre parfois de passer au-dessus du flux d'informations qui déferle tout au long de la vision. Juste pour enchaîner là-dessus, ce flux d'informations, le film, moi aussi j'ai beaucoup aimé le film, mais je pense que c'est un film qui nécessite plusieurs visions. En tout cas, moi je pense que j'ai envie de le voir à répétition parce ouais. que je le trouve très dense, en fait. Il y a énormément d'informations. Ce qui est dit, c'est pas que c'est provoquant en tant que blanc ou quoi que ce soit, mais ce qui est dit est quand même d'un niveau réflexif et philosophique qui est quand même assez tenu, donc il faut quand même être bien concentré sur le truc, et ça va assez vite, quoi. Il y a beaucoup d'informations, on passe vite d'un sujet à l'autre. Faudrait presque le voir avec un bloc-notes, en fait. Ouais, ou juste que... Parce que ça parle beaucoup de films, de références, de personnages qui ont l'air tous aussi intéressants que les uns que les autres, qu'on n'a pas tous vus, lus, ou qu'on ne connaît pas tous, mais qu'on a envie d'approfondir. Et ça, c'est une vraie force du film, c'est que ça donne envie vraiment d'aller plus loin, quoi. Ça ne s'arrête pas à l'objet filmique, quoi. Est-ce que le film n'aurait pas mérité peut-être d'être parfois un peu plus aéré ? C'est possible, mais je trouve que c'est un parti pris qui tient assez bien, comme je le disais, sur ce côté très dense, mais qui à la fois tient dans une ambiance assez presque parfois proche du rap, quoi. Ça modernise des images qui ne sont pas modernes, mais qui restent d'actualité pour autant. Et ça, c'est assez fort. Mais ouais, juste pour clore le truc d'avant, c'est que bon, voilà, il y a tellement d'informations qu'il faut accepter de laisser filer certaines choses. Mais là où le film est super fort, c'est que justement, il actualise complètement. Enfin, il parle de quelque chose, donc de trois personnes qui ont été tuées dans les années 60. Mais alors, il actualise complètement ce propos. C'est plus qu'une piqûre de rappel, en fait. Il rejoint, bien sûr, avec le mouvement Black Lives Matter de l'an passé, mais à l'intérieur même de son dispositif et de ce qu'il montre, il montre des choses récentes au milieu des images d'archives, et des archives en fait qui sont aussi très récentes, hein, de l'an passé ou quoi. Et notamment même quand on voit les visages de ces gens que j'imagine ont été filmés de manière complètement contemporaine, à la fin du film, ça raccroche le film, donc la pensée de Baldwin qui a été écrite dans les années 60, ça raccroche à ce qui se passe aujourd'hui d'une manière hyper forte et hyper percutante, je trouve. Il y a un côté assez malin aussi, qui semble évident aujourd'hui, ils ne pouvaient pas faire le film autrement, c'est d'aller chercher une injustice institutionnalisée, un truc presque intangible, enfin, qui n'est peut-être plus aussi concret qu'à une certaine époque, mais qui est toujours tout aussi présent, et qui d'une certaine manière inciterait à ne pas juste être non raciste, mais à aller encore plus loin, dépasser certaines frontières qui ne s'arrêtent pas au racisme binaire, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi un gros travail sur le montage. Encore une fois, question de rythme, même si c'est très dense, il y a quand même un rythme qui fonctionne. Je le répète, mais Baldwin, écrivain brillant, visiblement, et orateur de génie, parce que les images d'archives, franchement, moi, il m'hypnotisait complètement. À propos du montage, je voulais dire aussi qu'il y a un recours quand même super intelligent aux extraits de films et aux extraits de show télé, comme ça. Voilà, qui montre quand même que la société américaine se raconte à travers son entertainment dans ce film-là. Et c'est particulièrement bien amené, je trouve aussi. Donc ouais, c'est vrai qu'au niveau du montage, du discours, de l'organisation de ce discours, c'est peut-être un peu trop dense et touffu, ou en tout cas, il faut le voir à répétition. Mais voilà, c'est quand même un super beau travail, quoi. Donc non seulement c'est un super beau travail, non seulement c'est un film à voir, mais c'est même un film à voir deux ou trois fois. Bah, tant que j'étais en duo, en aparté, on va tailler un beau costard à Alien Covenant. What happened here? Donc, Alien Covenant, c'est le nouveau film de Ridley Scott, le deuxième préquel d'Alien, donc ça ferait que Prometheus... Le préquel du préquel. Non, c'est un sequel du préquel. So, Prometheus devient le -2 et Alien Covenant devient le -1. Voilà, donc c'est un film du réalisateur de L'Âme de Fond, de Black Rain, de G.I. Jane et aussi de Une Bonne Année, Ridley Scott. Une grande année. Parce que c'est absolument pas un film du réalisateur de Blade Runner, d'Alien. Ah non, ça. Et des duellistes, ne vous attendez pas à ça. Hein. Notamment dans le traitement des décors, c'est quand même. Bon, enfin bref. C'est l'histoire d'un vaisseau qui part dans l'espace et. En gros, il y a des colons dans le vaisseau, on va sur une autre planète, mais on reçoit un message d'une autre planète, donc on se dit qu'on va y aller. Ça part quand même vachement moins loin. Ouais, voilà. Et en gros, ça part en couille, parce que c'est une planète où il n'y a aucun animal, hein. Il y a des choses bizarres qui se passent. Mais c'est surtout que la planète, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc, en faisant un détour sur cette planète d'où vient le signal qu'on a reçu, on retombe sur l'androïde de Prometheus qui s'était échoué là avec Noomi Rapace, le docteur Elizabeth Shaw. Donc voilà, c'est le nouveau film de Ridley Scott, c'est le nouveau Alien. Et qu'en as-tu pensé, Manu ? C'est juste pas possible, après j'avais même plus d'attente. Je pouvais avoir une attente sur Prometheus en me disant, en revenant sur Alien, il va être retouché par un état de grâce. Mais la catastrophe de Prometheus augurait très fortement de ce qu'allait Covenant, et ça duplique et ça augmente encore plus toutes les scories du précédent épisode. Les ressorts narratifs sont extrêmement problématiques, c'est juste une sorte de vendredi 13 dans l'espace et un pur slasher, quoi. Et quand tu vois que justement Alien, l'intérêt d'Alien, justement, c'est qu'il avait élevé un script a priori de série B au rang de maîtresse de la SF, et là, il revient à ça, en plus avec une lourdeur thématique hallucinant qu'il essaie de te placer, parce que dès le départ c'est annoncé à base de name dropping culturel dans tous les sens, je te parle de peinture, de sculpture, etc. Je t'enfume complètement thématiquement, parce que je n'ai rien à dire, et il y a même un contresens tout du long sur ce qu'est Alien, parce que place par-dessus les aliens une créature androïde, ce qui devient un non-sens. Je ne sais pas par quel sens prendre le film, mais c'est juste une catastrophe à tous les niveaux scénaristiquement. Il s'auto-cite comme c'est pas possible, le premier plan, et ça fait mal aux yeux, c'est le cas de dire. Ce plan, il recite le premier plan de Blade Runner. On en parlait tout à l'heure avec Olivier, c'est pas l'ennui qui domine, mais c'est juste embarrassant, quoi. Ok, bah oui, tu dis, voilà, je vais juste rajouter de l'eau à ton moulin, Manu, parce que c'est, bon, voilà, c'est une catastrophe. Il est complètement incapable de nous intéresser à des personnages. Il y a un personnage qui dit, qui doit prendre le relais du lieutenant qui est mort et qui dit, oui, mais je n'ai pas de pouvoir vraiment sur les autres parce que je suis un homme de foi. Et en fait, donc on se dit, oh là, ça va servir à quelque chose. Alors il va parler de religion et tout. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est surtout que c'est sa seule caractérisation. C'est le scientifique, l'homme de foi, c'est d'une... Et voilà, qui est joué par Billy Crudup, qui est excessivement mauvais. En fait, les acteurs, il y en a qui font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que, voilà, comme disait Manu, ils ont pas leurs rôles sont sous-écrits, à mon avis, ils sont pas dirigés, et donc c'est vraiment problématique, notamment pour le personnage principal, qui est Catherine Waterston. Qu'on avait vu dans Inherent Vice, qui je pense est une fille capable, hein, le mec qui joue Tennessee aussi avec son chapeau. Danny McBride, j'apprécie beaucoup capable, Danny McBride, hein. Mais c'est juste qu'il n'a rien à défendre, et il a à défendre le mec avec son chapeau de cow-boy, qui essaye vaguement de jouer le rôle de Koto dans Alien. Voilà, ouais. Tu vois juste le duplicata, comme tu vois le duplicata de Ripley, c'est juste super problématique. Et alors, c'était quand même un mec qui a qui a marqué pour sa direction artistique, le sérieux de Alien et le traitement des décors d'Alien et le sérieux et le traitement des décors aussi de Blade Runner, c'était quand même quelque chose, c'est un truc qui est encore marqué aujourd'hui. Ici, il fait l'antre de David, là, au milieu du film, et c'est deux bouts de décor mal éclairés, comme ça, et c'est débile, t'as juste genre, oh, je vais aller voir, on se sépare, hein, je vais aller voir ce qu'il fait, oh, on se sépare, je vais aller voir ce qu'il fait. C'est hyper mal écrit, c'est hyper mal mis en scène, c'est hyper mal incarné, enfin, y a rien dans ce film. En termes de, justement, d'importance des décors, là, tu débarques sur une planète, la planète, c'est la Nouvelle-Zélande, et ils vont se balader en forêt avec des kawaii. Je veux dire, c'est d'une tristesse, tu vois, ce truc arriver. En plus, le problème, c'est que ça chie dans la main du premier film. Non, mais parce que, en gros, les 10 dernières minutes du film, ou les 15 dernières minutes du film, ça voudrait un remake du 8e passager, sauf que l'alien, en fait, tu t'en débarrasses comme ça, quoi. Le décor est pas du tout cartographié, t'as aucune idée de comment ça se passe, alors il essaie de jouer un truc un petit peu comme il y avait dans Alien 3, avec fermer les sas, et ça ne fonctionne jamais, t'es jamais dedans, puisque tu ne connais rien, tu ne sais pas de quel point de vue tu te places, etc. Donc, il y a aucun suspense qui est produit. Voilà. Et puis la belle scène de relecture de la douche, la psychose complètement mais ridicule. Il veut citer psychose, mais bon, ça fait plus penser à un slasher des années 90. Il y a une volonté dès le départ d'inscrire une sorte d'atmosphère mortifère dès le départ, puisque l'équipage est réveillé et perd son lieutenant. La scène n'est pas du tout incarnée, elle est filmée n'importe comment, elle n'a aucun point de vue cette scène-là, elle devrait ancrer le personnage principal du film dedans, qui est sa compagne, c'est shooté mais au mètre, à aucun moment on sait où se placer, plus derrière on va te balancer un caméo de James Franco qui est donc le mari, qu'on va voir dans une séquence qui rappelle 127 heures, tu te dis mais c'est du grand n'importe quoi. J'ai pas grand-chose en fait à en dire, mais je veux dire, à un moment, il faut juste se dire que Ridley Scott a été un très grand réalisateur de duelliste à légende, et puis qu'après, c'est quand même très embarrassant. Et en plus, il se la joue sérieux, genre, et Sid Shelley, Frankenstein, Byron, machin, Wagner et tout, mais oh là là, il est d'une lourdeur. Enfin, bon, bref. La scène du pipeau, là, c'était juste pas possible, quoi. Ouais, mais c'était déjà le cas dans Prometheus, la scène du pipeau, c'était déjà un grand moment de solitude de Prometheus, et pour le coup, Prometheus... Lindelof, le scénariste, a pris cher de la part de la communauté geek sur sa gueule, sans jamais remettre en question la responsabilité de Ridley Scott dans l'échec complet de Prometheus. J'espère que ça va ouvrir un peu les yeux sur la responsabilité de cet échec artistique. Très bien, bah voilà. Nous sommes des hommes en colère, ce qui nous permet d'enchaîner avec La colère d'un homme patient, le film de Raoul Arévalo. ¿Qué coño está pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos. Yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo no. Alors, La colère d'un homme patient, c'est le premier film de Raúl Arévalo, qui est un acteur espagnol qu'on a vu notamment dans La Isla Mínima. C'est un polar qui a remporté une moisson de Goya en Espagne. Le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Et c'est aussi avec Antonio de la Torre, Luis Callejo, qui sont deux habitués, on va dire, du cinéma de Alexilia Iglesia. Alors, c'est un polar qui commence par une scène de braquage. Et ensuite, on va rencontrer un personnage différent qui s'infiltre un peu dans la vie d'un petit café de banlieue madrilène. Et on va se rendre compte progressivement que ce personnage assez mutique est relié d'une manière ou d'une autre au braquage qu'on a vu en ouverture du film. Lucien, qu'as-tu pensé de La colère d'un homme patient ? Ben, je m'y suis assez ennuyé au final. J'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça, et en mieux. Entre autres, c'est un film, je pense, qui est très référencé à un certain cinéma américain des années 70, entre autres, fort sur la photo, même je trouve, dans les jeux d'acteurs, etc. Je le trouve assez prévisible. Je dois dire qu'à partir du moment où on rencontre ce personnage, j'avais compris 90%, 90% de ce qui allait se passer après. Je trouve pas le film totalement mauvais, mais je m'y suis ennuyé, faute de... Je crois qu'il y a un problème avec l'identification qu'on peut faire avec le personnage principal, selon moi. Parce qu'il est très mutique et il reste toujours voilà, braqué voilà, dans sa colère, dans sa colère rentrée justement. Et il y a un problème justement pour accrocher, je pense, avec le personnage principal. La caméra à épaule, mais je pense aussi vachement à distance vis-à-vis du personnage, mais il y a aussi toute la construction du film qui fait que c'est qu'au bout d'une demi-heure quasiment de film qu'on comprend vraiment le lien qui le relie à ce braquage-là. La vengeance étant un plat qui se mange froid, c'est vraiment ça, un personnage qui va rester vraiment très distancé par rapport à la vengeance qu'il va appliquer. Après, il y a un côté quasiment qui pourrait faire penser un peu au cinéma de Richard Fleischer dans cette manière d'aborder ce type de thématique et de d'aborder le film de vengeance hein, sans jamais céder à une sorte de jouissance de l'acte à aucun moment. Je vois tout ça dans le film, mais après, c'est vrai que je reste malgré tout le temps à distance et je regarde ça avec un ennui un peu poli. Mais voilà, il y a des petites trouvailles, une petite scène, une séquence de meurtre qui se passe dans l'arrière-boutique d'un tenancier de salle de sport qui est extrêmement brève. Et puis, la petite astuce, c'est comment on va ressortir de cette salle. On est complètement maculé de sang et on va aller retrouver la solution de manière très pragmatique, très quotidienne, dans un petit détail du quotidien. On va se laver avec les bières du frigo. Ça rappelle un peu pour moi ce que peut faire quelquefois le cinéma coréen, de retravailler le genre en le travaillant sur des petits éléments du quotidien qui peuvent tout d'un coup te raccrocher à ce type de récit codé qu'on connaît un peu trop et qui au final ne surprend plus trop. Mais après, il y a quand même cette mise à distance qui court tout au long du film et qui, pour moi, à un moment, n'est pas satisfaisante dans mon plaisir de spectateur. Oui. J'y vois tout à fait la réflexion thématique dessus, mais je m'ennuie un peu poliment. Voilà, ça tient dans le titre, la colère d'un homme patient, mais il y a un côté presque poseur dans cette manière de ne faire jaillir la violence que par instant. Il y a un côté un peu déceptif du fait que ça n'arrive que par court instant. Il y a aussi une manière de montrer son savoir-faire dans ces jaillissements de violence et dans cette retenue le reste du temps. Mais ça devient mécanique, je pense. Mais c'est ça, oui. Justement, ouais, le off, de contourner toujours tes attentes, à un moment, ça devient mécanique pour moi. Ça devient ce qu'on appelle souvent la pause au cinéma. Pour moi, ça tient un peu de ça. Je pense qu'il y a un vrai problème au niveau du charisme des personnages, et principalement du principal. Ça tient probablement à l'acteur, mais aussi à l'écriture du personnage. Je pense pas que ça tient à l'acteur, parce que pour le coup, il était extrêmement charismatique en clown dans Balade à Tristé, quoi. Donc je pense que c'est vraiment dans la logique d'écriture Même dans la mise en scène, je pense, on va parler d'un autre film japonais après, où le personnage principal est totalement anti-charismatique aussi, mais où il y a une gestion qui est tout à fait différente, qui le rend attachant, ce qui m'a manqué extrêmement fort dans ce film-ci. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un film voilà, qui mise beaucoup sur le style. Il faut dire qu'il a été shooté en 16 et puis gonflé en 35, je pense. Ça donne extrêmement granuleux. Ouais, voilà, extrêmement granuleux. Et c'est en scope en plus. La scène d'introduction, même si on l'a déjà vue, il faut dire qu'elle est mise en scène de manière assez brillante. Tout ce qui est là, dans le braquage, c'est en plan séquence, on reste dans la voiture, on voit extrêmement bien les actions, etc. C'est quand même c'est de la belle ouvrage, comme on va dire. Mais le problème principal que j'ai avec ce film, c'est que même s'il me séduit relativement dans sa première moitié, après, ce qu'il y a, c'est que tous les éléments qui vont intervenir après et qui vont, entre guillemets, gêner le personnage principal dans l'accomplissement de sa vengeance, que ce soit la relation avec la fille ou la relation avec le tenancier du café, il va apprendre des choses là-dessus au fur et à mesure du film et ça ne le déviera jamais de son chemin. Ça ne va même pas quelque part lui poser question, ou en tout cas, si ça lui pose question, c'est pas incarné. Donc du coup, il y a un côté super programmatique et c'est un programme qui va jusqu'au bout. Et on a que très peu de surprises. Très bien, bah écoutez, je propose qu'on enchaîne avec Après la tempête, du coup, de Hirokazu Koreeda. しちゃったかな。妻子に逃げられた錯覚連れの探偵。あんまり冷や汗せんじゃねえぞ。あんたみたいな大人にだけはなりたくないです。勝負しろよ勝負よ。月に一度の子供と過ごす時間。お金は？昨日ちょっと遅くなっちゃってさ。来るって？うん。これから台風だっていうのに？ Après la tempête, c'est le dernier film qui nous soit parvenu, signé Hirokazu Koreeda, donc réalisateur japonais qui est là depuis un certain temps maintenant. Depuis son film a mis un an à venir, quoi. Ouais, un an depuis Un certain regard l'an passé à Cannes. C'est le réalisateur notamment de Nobody Knows, Still Walking. pour citer ses meilleurs films, pour en citer d'autres, Tel Père, Tel Fils ou Air Doll. Après la tempête, c'est l'histoire de Ryota, qui est, on va dire, un quadragénaire qui essaye de pondre son deuxième bouquin, qui est divorcé et qui vit un peu, qui vivote un peu dans le souvenir de sa relation passée et qui exerce une activité de détective privé et qui a aussi accessoirement un fils de 8-9 ans avec lequel il entretient toujours une relation privilégiée. Le film est interprété par Hiroshi Abe, qu'on avait vu notamment dans Tel Père Tel Fils, et Kirin Kiki, qui joue la grand-mère, un personnage haut en couleur du film, peut-être le plus haut en couleur du film, qu'on avait vu aussi l'an passé dans le film de Naomi Kawase qui s'appelait Anne, les délices de Tokyo. Je peux commencer, mais il y a quelque chose qui m'a fait penser au cinéma de Lumet. Je pense que c'est dans cette manière de se mettre en retrait par rapport à ses personnages, à son sujet, de ne pas avoir de grands étalages de mise en scène, etc. Tout passe par des petites choses. Voilà, on parlait du charisme du personnage, mais il est littéralement trop grand, il est hors du cadre, il se cogne dans les portes. Je trouve qu'il y a tout un rapport, comme tu dis, qui vit dans sa vie, ce personnage vit dans sa vie passée, donc il y a tout un... toute l'histoire avec le toboggan pour s'abriter de la tempête, qui est aussi un rappel de son propre père, de sa propre enfance. Tous ces moments, il recherche de l'argent dans l'appartement de sa mère, qui est de l'argent qui aurait été laissé par le père, qui rappelle aussi cette même idée, comment rechercher l'argent du père, mais rechercher la relation qu'il n'a pas eue avec son père. Enfin, je trouve le film en fait assez malin, assez doux et... qui aussi, mine de rien, si c'est un portrait assez pertinent d'une famille, mais aussi d'une certaine société japonaise contemporaine, et de tous les problèmes qui vont avec. C'est un film aussi qui reprend un truc qui revient souvent chez Koreeda, c'est comme la mort d'un proche comme point de départ. Hein, c'est ce qu'on avait dans Notre Petite Sœur, dans Still Walking. C'est un truc qui revient souvent dans son cinéma. C'est un film qui a une petite... On disait en off, là, tout à l'heure, une petite musique qui a fonctionné sur moi. J'en garderai probablement pas une marque indélébile comme a pu l'avoir Nobody Knows. Justement, quand tu parles de peut-être la tendresse qu'il a vis-à-vis de ses personnages, il y a vraiment une qualité d'écriture dans les relations que tissent les personnages les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a jamais de personnage construit comme un repoussoir, comme on pourrait l'attendre dans ce type de situation. Il y a vraiment une bienveillance et pourtant, avec des personnages pourtant, qui vont se dire des choses quelquefois très dures. Je trouve des plus beaux binômes qui a, c'est le frère et sa sœur. Elle a une manière extrêmement franche de lui dire des choses très dures. Et il y a toujours, malgré tout, une sorte de cocon bienveillant. Sans jamais que l'empathie vis-à-vis d'eux ne dévie forcément. Ce personnage principal a un côté extrêmement lâche, complètement avide au jeu, la manière de fouiller l'appartement de sa mère. Ça rappelle le père, mais premièrement, tu vois quand même le rat qui fait les fonds de tiroir. Et pourtant, ça n'entache jamais l'empathie que tu as vis-à-vis de ce personnage-là. Et c'est pas que par le charisme de l'acteur, c'est de la manière vraiment dont il écrit chaque fois ses scènes, où il y a une vraie bienveillance vis-à-vis des personnages qu'il filme. S'il y a un truc qui marche très bien et qui accentue peut-être ce côté-là, c'est cette manière de laisser traîner les plans, en fait. Il y a assez peu de plans, mais la plupart des plans sont très longs. Un montage naturaliste, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais qui se rapproche un peu de ça, en tout cas. En fait, je trouve que cette petite musique de Koreeda qu'on commence à connaître, il est un peu toujours sur le même registre. En effet, ça commence souvent par la mort d'un proche. Il travaille tout le temps le thème de la paternité, de la famille, etc. Moi, ça m'a un peu ennuyé. Le film, peut-être au début, déploie un peu trop ce truc de détective. On s'attarde un peu trop là-dessus. Je trouve que le film tarde à rentrer dans son cœur, en fait, qui est justement donc, cette tempête et ce moment où les personnages, on va dire, qui portent sur eux les principaux enjeux du récit, se retrouvent bloqués à l'intérieur de l'appartement de la grand-mère. Je trouve qu'on tarde un peu à venir à cette partie qui aurait pu être, je pense, peut-être plus riche, plus fouillé, mais en même temps, il y a des très belles idées, le toboggan, vous en avez déjà bien parlé. Voilà, moi je mettrais juste ce bémol-là, quoi. C'est un film qui m'a fait sourire plusieurs fois au cinéma. J'ai l'impression que je peux avoir peur, je peux rire, je peux pleurer, mais sourire, ça m'arrive au final assez rarement. Peut-être que tu trouves que la tempête du titre tarde à venir, mais il y a justement tout ce qui joue dans l'attente de ce moment-là. Voilà, c'est certainement pas un grand film, mais je trouve que c'est une chasse d'écriture qui jamais tape à l'œil, qui ne jamais, pour le coup, tombe dans une mécanique, parce que tu parles justement de plans-séquences assez étirés, de manière d'imposer une certaine durée, mais ça ne m'apparaît jamais mécanique. Pour le coup, j'avais du mal à voir le lien que tu pouvais faire avec du maître, mais justement, il y a une capacité à justement effacer sa mise en scène sans jamais qu'elle soit, pour le coup, impersonnelle. Tout simplement, ce mec est hyper juste dans la manière dont il dépeint les relations entre ces personnages-là, et je ne le questionne jamais. Non, mais c'est une petite pluie, et c'est aussi finalement une assez petite pluie dans la vie de ce personnage. Je veux dire, c'est pas non plus... On n'est pas chez Xavier Dolan, on va pas se déchirer la gueule et se gueuler dessus. Enfin, tout reste quand même. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui fait du bien. C'est un film bienveillant, mais voilà, c'est quand même quand on connaît le cinéma de Kore-eda, on est quand même dans quelque chose d'assez attendu, même si c'est parfaitement bien exécuté, quoi. Quel pisse-froid cette Ollie. Oui, non, je suis ronchon aujourd'hui, je n'ai aimé aucun film de la sélection, voilà, et je spoil avant de dire mon avis sur Les Gardiens de la Galaxie 2 dont nous allons débattre tout de suite. The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. I'm good. No! Showtime, a-holes! No! Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, le film de James Gunn, donc la suite des Gardiens de la Galaxie, volume 1, le premier gros blockbuster de l'été qui nous vient au mois de mai. Donc un film estampillé Marvel Studios, avec encore une fois Chris Pratt, Zoe Saldana, la voix de Bradley Cooper, la voix de Vin Diesel. Et Monsieur Groot. Et aussi... Et Snake Plissken. Ah oui, et bien sûr. Et... Kurt Russell, et alors, malheureusement, désolé de vous le dire, mais avec aussi Sylvester Stallone et Michelle Yeoh. Eh bien, j'avais oublié. Donc, c'est la suite des Gardiens de la Galaxie, volume 1. En gros, y a une bande de justiciers qui sont dans la galaxie, et puis, à un moment, il y a Kurt Russell qui débarque et qui dit à Chris Pratt, je suis ton père, et il va lui expliquer quelle mission ils ont tous les deux ensemble, quoi. En gros, c'est ça. Comment il spoil l'Empire contre-attaque, quoi. Bon, moi, je vais commencer alors peut-être sur Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. J'ai trouvé que c'était un film super long. Non, c'était vraiment long. Moi, je me suis vraiment ennuyé parce que en fait, il y a une incapacité totale à développer le moindre enjeu dramatique sur la longueur. Voilà, le résultat, c'est que je l'ai vu il y a une semaine et que je suis incapable de vous faire le pitch correctement. Si ce n'est cette vague histoire de paternité entre Kurt Russell et Chris Pratt. Ça termine dans une espèce de bouillie visuelle à laquelle on comprend goutte aux scènes d'action finales. Et en plus, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on ne comprend pas les règles de l'univers en lui-même. Donc, on ne peut pas... comprendre l'action et on ne peut pas comprendre le déroulement des actions et ce qui se passe, quoi. C'est extrêmement mal construit et je pense qu'il y a un truc quand tu peux te permettre de rajouter je pense sans exagération 4, peut-être même 5 scènes post-générique, c'est la logique de tous les Marvel. Du teasing Marvel insupportable, où t'es, en fait, les films n'existent pas tant qu'ils ne sont pas rattachés à un autre. Non, mais il y a vraiment une volonté, parce qu'il y a quand même des réponses dans ces scènes-là à des éléments du film. Tu parlais d'une bouillie visuelle. Enfin, moi, je pense que dans 2 ans, on parle de ce film-là comme on parle de Flash Gordon aujourd'hui, parce que c'est dégueulasse. On dirait qu'il y a un gamin qui a bouffé trop de Haribo et qui a vomi sur la table du designer. Le problème de Flash Gordon, c'est que Flash Gordon, c'est un accident industriel. Mais là, c'est un film qui se voudrait casser le moule Marvel. C'est juste la répétition ad nauseam du même moule. Toujours confondre spectaculaire et pyrotechnie. Toujours placer la blague avant toute chose. Et pas une seule qui est marrante. Je crois que j'ai ri 3 fois. Pas une fois. Moi, c'est peut-être parce que chaque fois, on te répète 3 fois la blague. C'est un film qui est navrant et ringard. Parce que la manière dont, justement, l'élément comique, qui est le truc que survend Marvel, film après film, la séquence où est capturée la sœur de Gamora, Il y a tout un jeu sur le fait qu'elle veut pas lui donner un truc à bouffer parce que c'est pas mûr. On le fait une fois. Une deuxième fois, c'est le personnage de Dave Bautista qui lui enlève « Non, non, c'est pas mûr ». Et la dernière fois, c'est elle qui finit à le ramasser, elle le mange « Ah, c'est pas mûr ». Tous les gags sont construits comme ça. James Gunn, j'ai beaucoup apprécié quand il était réalisateur d'Horribilis ou de Super. Il faut juste pas oublier que c'est le scénariste de Scooby-Doo 1 et 2, et ça se voit constamment dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est un film super mal écrit. Et puis, y a un autre exemple de mal écrit, on nous fait tout un truc sur le détonateur là, que doit activer Baby Groot, et Baby Groot est incapable d'apprendre quoi que ce soit. Et alors, juste, il va placer le détonateur, et genre, il n'y a même pas un truc qui fait que Baby Groot a compris, ou qu'il va bien le faire, ou machin. C'est juste, on t'ellipse le truc, hop, il part, ça explose. Alors, on a complètement évacué le truc, quoi. C'est genre, on t'a fait monter un truc, pour rien. Il n'y a pas de payoff, il n'y a rien. Mais c'est la scène... une demi-seconde, hein. Il met son doigt sur le mauvais et puis finit par appuyer sur le bon. Ouais, mais c'est toujours résumé. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Mais pour le gag, parce que c'est la logique qu'on te fait juste un gag. Et c'est la note d'intention de la scène d'intro de générique, genre, vous allez voir, je casse le moule, la scène spectaculaire, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais vous montrer la blague à l'avant-plan avec le personnage de Groot qui sait pas trop quoi faire pendant que toute la scène spectaculaire se passe à l'écran. Sauf que le problème de ça, c'est qu'au-delà du fait que c'est pas très drôle, mais c'est surtout qu'à la fin, la séquence se finit et t'as quand même la scène spectaculaire. Parce que quand même, je vais te la faire. Et donc, c'est un film qui a constamment le cul entre deux chaises. Après, je suis pas d'accord avec le côté bouillie visuelle parce que je trouve que peut-être le seul truc à retenir, c'est le boulot des effets spéciaux sur le film. Il y a notamment un truc sur lequel se spécialise a priori ILM, mais le rajeunissement des personnages qui se trouve assez bluffant sur le personnage de Kurt Russell, la séquence de début. D'autant plus qu'elle est plutôt bien amenée, puisqu'il recule le moment de te dire est-ce que on est vraiment en présence d'un maquillage numérique ou pas, et il est quand même assez impressionnant. Mais moi je parlais pas des effets spéciaux, hein, je parlais vraiment du design qui est désagréable, quoi. Tape à l'œil, ça fait. C'est une fête foraine. Ouais, quoi. Mais pour le coup, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie de taper parce que la logique tellement des Marvel, c'est d'avoir un étalonnage tellement délavé, sans couleur, que pour une fois, même si c'est un peu excessif, on va dire, c'est peut-être la seule chose qui change du moule. Ils avaient déjà fait ça avec Doctor Strange. Oui, mais les Gardiens de la Galaxie avaient eu la prédominance sur le premier vis-à-vis de ça. Et puis cet agrégat de scènes comme ça. T'es dans du cinéma hyper friqué, puis en fait, tu te retrouves dans des trucs complètement Z, complètement bis. La séquence où Gamora est poursuivie par sa sœur, qui est une sorte de lemming qui va foncer à travers une grotte avec son vaisseau, et l'autre, elle va ramasser un sort de truc qui pèse 3 tonnes, et elle va poser tranquillement sur son épaule et va tirer dessus. Alors, ça me fait marrer dans du V-cinéma, dans une catégorie 3 japonais, parce que ça va compenser le manque de moyens, mais là, c'est juste débile. Justement, ils vendent ça aussi. Ils disent « Ouais, mais non, c'est pas un film trop sur une intrigue et tout, c'est surtout sur les personnages et leurs conflits internes et tout. » Mais les revirements des personnages, tu les comprends pas. Tu comprends pas, il n'y a pas d'évolution, ils sont pas écrits. Si, c'est juste écrit à la fin. La paternité, c'est pas vraiment ce que tu crois. Tu vois, ton père, c'est pas vraiment peut-être ton père, c'est plutôt celui qui t'a éduqué. Je m'en moque, c'est peut-être le seul moment où j'ai trouvé un petit peu d'intérêt au film, où j'ai été cueilli, c'est la fin du personnage de Rocker, je l'ai trouvé plutôt touchante. Après, c'est tellement le néant auparavant que c'est peut-être que je me suis raccroché juste à ça, quoi. Ouais, puis c'est pas juste à la fin que normalement, le personnage, tu dois vivre avec eux, quoi. Tu dois comprendre leurs enjeux au fur et à mesure du film et vivre avec eux les enjeux, pas juste être témoin d'un truc pour essayer d'ensuite te demander pourquoi, enfin. Le pire, c'est que c'est vendu comme le blockbuster alternatif qui te propose un autre programme, et c'est le même programme à la fin. C'est pas toute la ville qui explose, mais là c'est l'autre planète qui explose de l'intérieur. Ça, on est toujours dans les mêmes scories, on doit tout faire péter à la fin parce qu'on sait pas résoudre ou quoi que ce soit. Pour des Gardiens de la Galaxie, faire péter des planètes, ils sont pas très efficaces, hein. Donc voilà, en gros c'est ça, on a tout dit. C'est un peu trop long, c'est un peu chiant, mais il y a du Sam Cooke, donc ça peut pas tout à fait être un mauvais film. Bon, après cet épisode un peu déceptif, je propose de passer au conseil. Luc, as-tu à nous conseiller ? Je vais faire comme d'habitude très simple. Je conseille deux de mes films de chevet, deux de mes films préférés qui ressortent en copie restaurée pour le moment. Il y a Mulholland Drive de David Lynch et Days of Heaven, Les Moissons du Ciel de Terrence Malick. Le meilleur film de Richard Gere. Probablement le meilleur film de Richard Gere. Ils sont pour moi vraiment deux grands films. J'en dis pas beaucoup plus parce que je pense que c'est deux films à voir vierges. Bon, et toi Manu, quel sera ton conseil ? Ben moi, mon conseil viendra de Corée. C'est un film qui est sorti début du mois de mai en France. C'est le nouveau film du réalisateur de The Hard Day, qui a été, je crois, en sélection à Cannes il y a peut-être 2 ans, si je m'abuse. Et donc, il y a Tunnel, qui revisite le film Catastrophe. Et voilà, c'est toujours une des qualités du cinéma de genre coréen, de revisiter des genres ultra balisés et de vraiment l'aborder par le biais de l'étude de caractère. C'est peut-être assez peu spectaculaire au final, mais la manière dont il va déployer autour d'un événement d'un personnage qui se retrouve coincé dans un tunnel qui s'effondrait. Voilà, il y a tout un aspect satirique sur le comportement du gouvernement qui est assez drôle et assez bien amené. Le travail d'étude de caractère est bien plus intéressant que ce qu'il avait fait pour le coup sur The Hard Day, qui je trouvais tournait un peu au film de petit malin par moment. On retrouve dedans là, qui joue l'épouse du gars reclus dans le tunnel, qui est Donna Bae, qu'on a pu voir chez les Washoe, qu'on a vu chez Bong Joon-ho. Voilà, donc voilà, c'est le petit conseil. Et puis voilà, et puis si on parle aussi de Donna Bae, il y a Sense8 qui est en train de recommencer sur Netflix. J'en dirai peut-être un peu plus quand j'aurai binge-watché tous les épisodes, mais voilà. Ok, ben moi je vais finir sur un film que j'ai découvert au festival Anima à Bruxelles il y a quelques mois. Donc Belladonna of Sadness, le film de Eiichi Yamamoto, donc un animé japonais qui datait de 1973 et qui était invisible depuis lors, qui est ressorti au cinéma en France il y a peut-être un an, qui sort dans une très belle édition Blu-ray chez Eurozoom. Voilà, bah Belladonna of Sadness, c'est un film complètement autre, vous le recevez ou vous le recevez pas, c'est un film qui est très peu animé, c'est beaucoup en fait des travelling sur des dessins fixes, et ce qui est vraiment frappant, enfin moi en tout cas ce qui m'a frappé dans ce film, bon, outre le fait que c'est un film qu'on ne sait jamais jusqu'où il ira et il va très très loin, c'est que c'est perpétuellement des références graphiques plutôt européennes en fait dans le film, beaucoup de références à Egon Schiele ou au symbolisme qui sont vraiment particulières dans le cadre d'un film japonais, et puis une fin complètement what the fuck qui finit sur une espèce de brûlot féministe, enfin un film certainement à découvrir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc merci Lucien Alflantz, merci Manuel As pour ce nouveau transmission, et on se retrouve dans quelques semaines ou quelques mois, mais on essaiera quand même de faire au moins 6 émissions cette année comme on a fait l'an passé.